Quatrième vue. Le conduire à l'usage de la parole en déterminant l'exercice de l'imitation par la loi impérieuse de la nécessité. Si j'avais voulu ne produire que des résultats heureux, j'aurais supprimé de cet ouvrage, cette quatrième vue, les moyens que j'ai mis en usage pour la remplir et le peu de succès que j'en ai obtenu. Mais mon but est moins de donner l'histoire de mes soins que celle des premiers développements moraux du sauvage de l'Aveyron, et je ne dois rien omettre de ce qui peut y avoir le moindre rapport. Je serais même obligé de présenter ici quelques idées théoriques, et j'espère qu'on me les pardonnera, en voyant l'attention que j'ai eue de ne les appuyer que sur des faits et reconnaissant la nécessité où je me trouve de répondre à ces éternelles objections. Le sauvage parle-t-il? S'il n'est pas sourd, pourquoi ne parle-t-il pas? On conçoit aisément qu'au milieu des forêts et loin de la société de tout être pensant, le sens de l'ouïe de notre sauvage n'éprouvait d'autres impressions que celles que faisaient sur lui un petit nombre de bruits, et particulièrement ceux qui se liaient à ses besoins physiques. Ce n'était point là cet organe qui appréciait les sons, leurs articulations et leurs combinaisons. Ce n'était qu'un simple moyen de conversation individuelle qui avertissait de l'approche d'un animal dangereux ou de la chute de quelques fruits sauvages. Voilà sans doute à quelle fonction se bornait l'ouïe, si l'on en juge par le peu ou la nullité d'action qu'avaient sur cet organe, il y a un an, tous les sons et les bruits qui n'intéressaient pas les besoins de l'individu, et par la sensibilité exquise que ce sens témoignait au contraire pour ceux qui y avaient quelque rapport. Quand on épluchait à son insu et le plus doucement possible, un marron, une noix, quand on touchait seulement à la clé de la porte qui le tenait captif, il ne manquait jamais de se retourner brusquement et d'accourir vers l'endroit d'où partait le bruit. Si l'organe de l'ouïe ne témoignait pas la même susceptibilité pour les sons de la voix, pour l'explosion même des armes à feu, c'est qu'il était nécessairement peu sensible et peu attentif à toute autre impression qu'à celle dont il s'était fait une longue et exclusive habitude. Note de l'auteur. J'observais, pour donner plus de force à cette assertion, qu'à mesure que l'homme s'éloigne de son enfance, l'exercice de ses sens devient de jour en jour moins universel. Dans le premier âge de sa vie, il veut tout voir, tout toucher. Il porte à la bouche tous les corps qu'on lui présente. Le moindre bruit le fait tressaillir. Ses sens s'arrêtent sur tous les objets, même sur ceux qui n'ont aucun rapport connu avec ses besoins. À mesure qu'il s'éloigne de cette époque, qui est en quelque sorte celle de l'apprentissage des sens, les objets ne le frappent qu'autant qu'ils se rapportent à ses appétits, à ses habitudes ou à ses inclinations. Alors même, il arrive souvent qu'il n'y a qu'un ou deux sens qui réveillent son attention. C'est un musicien prononcé qui, attentif à tout ce qu'il entend et est indifférent à tout ce qu'il voit. Ce sera, si l'on veut, un minéralogiste et un botaniste exclusif qui, dans un champ fertile en objet de leur recherche, ne voit le premier que des minéraux et le second que des productions végétales. Ce sera un mathématicien sans oreille qui dira au sortir d'une pièce de racine « qu'est-ce que tout cela prouve ?» Si donc, après les premiers temps de l'enfance, l'attention ne se porte naturellement que sur les objets qui ont avec nos goûts des rapports connus ou pressentis, on conçoit pourquoi notre jeune sauvage, n'ayant qu'un petit nombre de besoins, ne devait exercer ses sens que sur un petit nombre d'objets. Voilà, si je ne me trompe, la cause de cette inattention absolue qui frappait tout le monde lors de son arrivée à Paris et qui, dans le monde actuel, a disparu presque complètement parce qu'on lui a fait sentir la liaison qu'ont avec lui tous les nouveaux objets qui l'environnent. On conçoit donc pourquoi l'oreille, très apte à percevoir certains bruits, même les plus légers, le doit être très peu à apprécier l'articulation des sons. D'ailleurs, il ne suffit pas pour parler de percevoir le son de la voix. Il faut encore apprécier l'articulation de ce son. Deux opérations bien distinctes et qui exigent de la part de l'organe des conditions différentes. Il suffit pour la première d'un certain degré de sensibilité du nerf acoustique. Il faut pour la seconde une modification spéciale de cette même sensibilité. On peut donc, avec des oreilles bien organisées et bien vivantes, ne pas saisir l'articulation des mots. On trouve parmi les crétins beaucoup de muets et qui pourtant ne sont pas sourds. Il y a parmi les élèves du citoyen Sicard deux ou trois enfants qui entendent parfaitement le son de l'horloge, un claquement de main, les tons les plus bas de la flûte et du violon, et qui cependant n'ont jamais pu imiter la prononciation d'un mot, quoique articulé très haut et très lentement. Ainsi, l'on pourrait dire que la parole est une espèce de musique à laquelle certaines oreilles, quoique bien constituées d'ailleurs, peuvent être insensibles. En sera-t-il de même de l'enfant dont il est question ? Je ne le pense pas, quoique mes espérances reposent sur un petit nombre de faits. Il est vrai que mes tentatives à cet égard n'ont pas été plus nombreuses et que, longtemps embarrassé sur le parti que j'avais à prendre, je m'en suis tenu au rôle d'observateur. Voici donc ce que j'ai remarqué. Dans les 4 ou 5 premiers mois de son séjour à Paris, le sauvage de l'Aveyron ne s'est montré sensible qu'aux différents bruits qui avaient avec lui les rapports que j'ai indiqués. Dans le courant de Frimaire, décembre, il a paru entendre la voix humaine et lorsque, dans le corridor qui avoisine sa chambre, deux personnes s'entretenaient à haute voix, il lui arrivait de s'approcher de la porte pour s'assurer si elle était bien fermée et de rejeter sur elle une porte battante intérieure avec l'intention de mettre le doigt sur le loquet pour en assurer encore mieux la fermeture. Je remarquai, quelque temps après, qu'il distinguait la voix des sourds-muets, ou plutôt ce cri guttural qui leur échappe continuellement dans leur jeu. Il semblait même reconnaître l'endroit d'où partait le son, car s'il l'entendait en descendant l'escalier, il ne manquait jamais de remonter ou de descendre plus précipitamment, selon que ce cri partait d'en bas ou d'en haut. Je fis, au commencement de Nivose, janvier, une observation plus intéressante. Un jour qu'il était dans la cuisine, occupé à faire cuire des pommes de terre, deux personnes se disputaient vivement derrière lui, sans qu'il parût y faire la moindre attention. Une troisième survint qui, se mêlant à la discussion, commençait toutes ses répliques par ces mots « Oh, c'est différent !» Je remarquai que toutes les fois que cette personne laissait échapper son exclamation favorite, le sauvage de l'Aveyron retournait vivement la tête. Je fis, le soir, à l'heure de son coucher, quelques expériences sur cette intonation et j'en obtins à peu près les mêmes résultats. Je passai en revue toutes les autres intonations simples, connues sous le nom de voyelles et sans aucun succès. Cette préférence pour le « o » m'engagea à lui donner un nom qui se termina par cette voyelle. Je fis le choix de celui de Victor. Ce nom lui est resté, et quand on le prononce à haute voix, il manque rarement de tourner la tête ou d'accourir. C'est peut-être encore pour la même raison que par la suite il a compris la signification de la négation « non » dont je me sers souvent pour le faire revenir de ses erreurs quand il se trompe dans ses petits exercices. Au milieu de ces développements lents et sensibles de l'organe de l'ouïe, la voix restait toujours muette et refusait de rendre les sons articulés que l'oreille paraissait apprécier. Cependant, les organes vocaux ne présentaient dans leur conformation extérieure aucune trace d'imperfection, et il n'y avait pas lieu d'en soupçonner dans leur organisation intérieure. Il est vrai que l'on voit à la partie supérieure et antérieure du col une cicatrice assez étendue qui pourrait jeter quelques doutes sur l'intégrité des parties subjacentes si l'on était rassuré par l'aspect de la cicatrice. Elle annonce, à la vérité, une plaie faite par un instrument tranchant. Mais à voir son apparence linéaire, on est porté à croire que la plaie n'était que tégumenteuse, et qu'elle se sera réunie d'emblée, ou, comme l'on dit, par première indication. Il est à présumer qu'une main plus disposée que façonnée au crime aura voulu attenter au jour de cet enfant et que, laissé pour mort dans les bois, il aura dû au seul secours de la nature la prompte guérison de sa plaie, ce qui n'aurait pu s'effectuer aussi heureusement si les parties musculeuses et cartilagineuses de l'organe de la voix avaient été divisées. Ces considérations me conduisent à penser, lorsque l'oreille commença à percevoir quelques sons, que si la voix ne les répétait pas, il ne fallait point en accuser une lésion organique, mais la défaveur des circonstances. Le défaut total d'exercice rend nos organes inaptes à leurs fonctions, et si ceux déjà faits à leurs usages sont si puissamment affectés par cette inaction, que sera-ce de ceux qui croissent et se développent sans qu'aucun agent tente à les mettre en jeu? Il faut 18 mois au moins d'une éducation soignée pour que l'enfant bégaye quelques mots, et l'on voudrait qu'un dur habitant des forêts, qui n'est dans la société que depuis 14 ou 15 mois, dont il a passé 5 ou 6 parmi des sourds-muets, fût déjà en état de parler. Non seulement cela ne doit pas être, mais il faudra pour parvenir à ce point important de son éducation beaucoup plus de temps, beaucoup plus de peine qu'il n'en faut au moins précoce des enfants. Celui-ci ne sait rien, mais il possède à un degré éminent la susceptibilité de tout apprendre, penchant inné à l'imitation, flexibilité et sensibilité excessive de tous les organes, mobilité perpétuelle de la langue, consistance presque gélatineuse du larynx. Tout, en un mot, tout concourt à produire chez lui ce gazouillement continuel, apprentissage involontaire de la voix, que favorise encore la toux, l'éternuement, les cris de cet âge et même les pleurs, les pleurs qu'il faut considérer non seulement comme les indices d'une vive excitabilité, mais encore comme un mobile puissant, appliqué sans relâche et dans les temps les plus opportuns, au développement simultané des organes de la respiration, de la voix et de la parole. Que l'on m'accorde ces grands avantages, et je réponds de leurs résultats. Si l'on reconnaît avec moi que l'on ne doit plus y compter dans l'adolescence du jeune Victor, que l'on convienne aussi des ressources fécondes de la nature, qui sait se créer de nouveaux moyens d'éducation quand des causes accidentelles viennent à le priver de ceux qu'elles avaient primitivement disposés. Voici du moins quelques faits qui peuvent la faire espérer. J'ai dit dans l'énoncé de cette quatrième vue que je me proposais de le conduire à l'usage de la parole en déterminant l'exercice de l'imitation par la loi impérieuse de la nécessité. Convaincu en effet par les considérations émises dans ces deux derniers paragraphes et par une autre non moins concluante que j'exposerai bientôt, qu'il ne fallait s'attendre qu'à un travail tardif de la part du larynx, je devais faire en sorte de l'activer par l'appât des objets nécessaires à ses besoins. J'avais lieu de croire que la voyelle O, ayant été la première entendue, serait la première prononcée et je trouvais fort heureux pour mon plan que cette simple prononciation fût, au moins quant au son, le signe d'un des besoins les plus ordinaires de cet enfant. Cependant, je ne pus tirer aucun parti de cette favorable coïncidence. En vain, dans les moments où sa soif était ardente, je tenais devant lui un vase rempli d'eau en criant fréquemment « Eau ! Eau !» en donnant le vase à une personne qui prononçait le même mot à côté de lui et le réclamant moi-même par ce moyen. Le malheureux se tourmentait dans tous les sens, agitait ses bras autour du vase d'une manière presque convulsive, rendait une espèce de sifflement et n'articulait aucun son. Il y aurait eu de l'inhumanité d'insister davantage. Je changeai de sujet, sans cependant changer de méthode. Ce fut sur le mot « lait » que portèrent mes tentatives. Le quatrième jour de ce second essai, je réussis au gré de mes désirs et j'entendis Victor prononcer distinctement, d'une manière un peu rude à la vérité, le mot « lait » qu'il répéta presque aussitôt. C'était la première fois qu'il sortait de sa bouche un son articulé, et je ne l'entendis pas sans la plus vive satisfaction. Je fis néanmoins une réflexion qui diminua de beaucoup à mes yeux l'avantage de ce premier succès. Ce ne fut qu'au moment où, désespérant de réussir, je venais de verser le lait dans la tasse qu'il me présentait, que le mot « lait » lui échappa avec de grandes démonstrations de plaisir. Et ce ne fut encore qu'après que je lui en eus versé de nouveau en manière de récompense qu'il le prononça pour la seconde fois. On voit pourquoi ce mode de résultat était loin de remplir mes intentions. Le mot prononcé, au lieu d'être le signe du besoin, n'était relativement au temps où il avait été articulé qu'une vaine exclamation de joie. Si ce mot fut sorti de sa bouche avant la concession de la chose désirée, c'en était fait. Le véritable usage de la parole était saisi par Victor. Un point de communication s'établissait entre lui et moi, et les progrès les plus rapides découlaient de ce premier succès. Au lieu de tout cela, je ne venais d'obtenir qu'une expression insignifiante pour lui et inutile pour nous du plaisir qu'il ressentait. À la rigueur, c'était bien un signe vocal, le signe de la possession de la chose. Mais celui-là, je le répète, n'établissait aucun rapport entre nous. Il devait être bientôt négligé par cela même qu'il était inutile aux besoins de l'individu, et soumis à une foule d'anomalies, comme le sentiment éphémère et variable dont il était devenu l'indice. Les résultats subséquents de cette fausse direction ont été tels que je les redoutais. Ce n'était le plus souvent que dans la jouissance de la chose que le mot « lait » se faisait entendre. Quelquefois, il lui arrivait de le prononcer avant, et d'autres fois, peu de temps après, mais toujours sans intention. Je n'attache pas plus d'importance à la répétition spontanée qu'il en faisait, et qu'il en fait encore, dans le courant de la nuit, quand il vient à s'éveiller. Après ce premier résultat, j'ai totalement renoncé à la méthode par laquelle je l'avais obtenue. Attendant le moment où les localités me permettront de lui en substituer une autre, que je crois beaucoup plus efficace, j'abandonnais l'organe de la voix à l'influence de l'imitation qui, bien que faible, n'est pourtant pas éteinte s'il faut en juger par quelques petits progrès ultérieurs et spontanés. Le mot « lait » a été, pour Victor, la racine de deux autres monosyllabes « la » et « li », auxquels certainement il attache encore moins de sens. Il a depuis peu modifié le dernier en y ajoutant un second « l », et les prononçant toutes les deux comme le « li » de la langue italienne. On l'entend fréquemment répéter « li ». Li, avec une inflexion de voix qui n'est pas sans douceur. Il est étonnant que le L mouillé, qui est pour les enfants une des syllabes des plus difficiles à prononcer, soit une des premières qu'il ait articulée. Je ne serais pas éloigné de croire qu'il y a dans ce pénible travail de la langue une sorte d'intention en faveur du nom de Julie, jeune demoiselle de 11 à 12 ans, qui vient passer les dimanches chez Madame Guérin, sa mère. Il est certain que ce jour-là, les exclamations « li, li » deviennent plus fréquentes et se font même, au rapport de sa gouvernante, entendre pendant la nuit, dans les moments où l'on a lieu de croire qu'il dort profondément. On ne peut déterminer au juste la cause et la valeur de ce dernier fait. Il faut attendre que la puberté plus avancée nous ait fourni, pour le classer et pour en rendre compte, un plus grand nombre d'observations. La dernière acquisition de l'organe de la voix est un peu plus considérable et composée de 2 syllabes qui en valent bien 3 par la manière dont il prononce la dernière. C'est l'exclamation « Oh Dieu !» qu'il a prise de Madame Guérin et qu'il laisse fréquemment échapper dans ses grandes joies. Il la prononce en supprimant le « U » de Dieu et en appuyant le « I » comme s'il était double, de manière qu'on l'entend crier distinctement « Oh dit !» « Oh, dit !» Le « O » que l'on trouve dans cette dernière combinaison de sons n'était pas nouveau pour lui, et j'étais parvenu quelque temps auparavant à le lui faire prononcer. Voilà, quant à l'organe de la voix, le point où nous en sommes. On voit que toutes les voyelles, à l'exception du « U », entrent déjà dans le petit nombre de sons qu'il articule, et que l'on ne trouve que les 3 consonnes « L, D et L mouillées ». Ces progrès sont assurément bien faibles si on les compare à ceux qu'exige le développement complet de la voix humaine, mais ils m'ont paru suffisants pour garantir la possibilité de ce développement. J'ai dit plus haut les causes qui doivent nécessairement le rendre long et difficile. Il en est encore une qui n'y contribuera pas moins et que je ne dois point passer sous silence. C'est la facilité qu'a notre jeune sauvage d'exprimer autrement que par la parole le petit nombre de ses besoins. Chacune de ces volontés se manifeste par les signes les plus expressifs qui ont en quelque sorte, comme les nôtres, leur gradation et leur synonymie. L'heure de la promenade est-elle arrivée? Il se présente à diverses reprises devant la croisée et devant la porte de sa chambre. S'il s'aperçoit alors que sa gouvernante n'est point prête, il dispose devant elle tous les objets nécessaires à sa toilette et, dans son impatience, il va même jusqu'à l'aider à s'habiller. Cela fait, il descend le premier et tire lui-même le cordon de la porte. Arrivé à l'observatoire, son premier soin est de demander du lait. Ce qu'il fait en présentant une écuelle de bois qu'il n'oublie jamais en sortant de mettre dans sa poche et dont il se munit pour la première fois le lendemain d'un jour qu'il avait cassé, dans la même maison et pour le même usage, une tasse de porcelaine. Là encore, pour rendre complet les plaisirs de ces soirées, on a depuis quelque temps la bonté de le voiturer dans une brouette. Depuis lors, dès que l'envie lui en prend, si personne ne se présente pour le satisfaire, il rentre dans la maison, prend quelqu'un par le bras, le conduit dans le jardin et lui met entre les mains les branches de la brouette dans laquelle il se place aussitôt. Si on résiste à cette première invitation, il quitte le siège, revient aux branches de la brouette, la fait rouler quelques tours et vient s'y placer de nouveau, imaginant sans doute que si ses désirs ne sont pas remplis, ce n'est pas faute de les avoir clairement manifestés. S'agit-il de dîner? Ses intentions sont encore moins douteuses. Il met lui-même le couvert et présente à Madame Guérin les plats qu'elle doit descendre à la cuisine pour y prendre leur aliment. Si c'est en ville qu'il dîne avec moi, toutes ses demandes s'adressent à la personne qui fait les honneurs de la table. C'est toujours à elle qu'il se présente pour être servi. Si l'on fait semblant de ne pas l'entendre, il place son assiette à côté du mets qu'il dévore des yeux. Si cela ne produit rien, il prend une fourchette et en frappe deux ou trois coups sur le rebord du plat. Insiste-t-il encore? Alors il ne garde plus de mesure, il plonge une cuillère ou même sa main dans le plat, et en un clin d'œil, il le vide en entier dans son assiette. Il n'est guère moins expressif dans la manière de témoigner les affections de son âme et surtout l'impatience de l'ennui. Nombre de curieux savent comment, avec plus de franchise naturelle que de politesse, il les congédie lorsque, fatigués de la longueur de leur visite, ils présentent à chacun d'eux, et sans méprise, leurs cannes, leurs gants et leurs chapeaux, les poussent doucement vers la porte qu'ils referment impétueusement sur eux. Note de l'auteur. Il est digne de remarque que ce langage d'action est entièrement naturel et que dès les premiers jours de son entrée dans la société, il l'employait de la manière la plus expressive. « Quand il eut soif, dit le citoyen Constant de Saint-Estève, qui l'a vu dans les commencements de cette époque intéressante, il porta ses regards à droite et à gauche. Ayant aperçu une cruche, il mit ma main dans la sienne et me conduisit vers la cruche qu'il frappa de la main gauche pour me demander à boire. » On apporta du vin qu'il dédaigna en témoignant de l'impatience sur le retard que je mettais à lui donner de l'eau. Pour compléter l'histoire de ce langage à pantomime, il faut que je dise encore que Victor l'entend avec autant de facilité qu'il le parle. Il suffit à Madame Guérin, pour l'envoyer quérir de l'eau, de lui montrer la cruche et de lui faire voir qu'elle est vide en donnant au vase une position renversée. Un procédé analogue me suffit pour l'engager à me servir à boire quand nous dînons ensemble, etc. Mais ce qu'il y a de plus étonnant dans la manière avec laquelle il se prête à ses moyens de communication, c'est qu'il n'ait besoin d'aucune leçon préliminaire, ni d'aucune convention réciproque pour se faire entendre. Je m'en convainquis un jour par une expérience des plus concluantes. Je choisis, entre une foule d'autres, un objet pour lequel je m'assurais d'avance qu'il n'existait entre lui et sa gouvernante aucun signe indicateur. Tel était, par exemple, le peigne dont on se servait pour lui et que je voulus me faire apporter. J'aurais été bien trompé si en me hérissant les cheveux dans tous les sens et lui présentant ainsi ma tête en désordre, je n'avais été compris. Je le fus en effet, et j'eus aussitôt entre les mains ce que je demandais. Beaucoup de personnes ne voient dans tous ces procédés que la façon de faire d'un animal. Pour moi, je l'avouerai, je crois y reconnaître dans toute sa simplicité le langage d'action, ce langage primitif de l'espèce humaine, originellement employé dans l'enfance des premières sociétés, avant que le travail de plusieurs siècles eût coordonné le système de la parole et fourni à l'homme civilisé un fécond et sublime moyen de perfectionnement qui fait éclore sa pensée même dans son berceau, et dont il se sert toute la vie, sans apprécier ce qu'il est par lui, et ce qu'il serait sans lui s'il s'en trouvait accidentellement privé, comme dans le cas qui nous occupe. Sans doute, un jour viendra où des besoins plus multipliés feront sentir au jeune Victor la nécessité d'user de nouveaux signes. L'emploi défectueux qu'il a fait de ses premiers sons pourra bien retarder cette époque, mais non pas l'empêcher. Il n'en sera peut-être ni plus ni moins que ce qui arrive à l'enfant qui d'abord balbutie le mot « papa » sans y attacher aucune idée, s'en va le disant dans tous les lieux et en toute autre occasion, le donne ensuite à tous les hommes qu'il voit et ne parvient qu'après une foule de raisonnements et même d'abstractions à en faire une seule et juste application.